La hurle, c'est dur, donc ta vie passe plus en 10 minutes. J'étais des 7 cams, j'ai tout mis dans le sac en 10 minutes. Elle a vu mes liasses, ma sape, mon ventre, donc elle finit nu. Et si on passe à moi ton espérance depuis 10 minutes. J'ai plus la vie, c'est tout, c'est le vent. Et sur le rap, je suis parano. J'ai coupé le picard à la coco. Crois que j'ai assez du Yamamoto. En bas du bendo, Yamamoto. Je vais les laver tes frites au ce que blanc. En 10 minutes, en 10 minutes, en 10 minutes, en 10 minutes. Des grosses femmes, de la bonne drogue. Elle tape les oreilles dans les lettres. Loup chargeur, loup d'histoire. Le demi sur le sol dans la bombe droite. Et les filles, ton car collage à droite. Et toutes les souffrances dans sa droite. Logique, brave, frappe, fusil, drame, larme. Qui sait que coup de crosse, on fume d'abord quand c'est pas du fort. Tu sais que je suis fait, donc qu'est-ce qu'on fait, tu vas me dessus d'abord. Tu sais que je suis fait. Nous testons au ZODC, au CB, donc j'en y a le bâton. J'ai chargé la mer, mon gars est devenu noir, attaque Black Ops. On s'en met plein les poches en 10 minutes. Et ton espérance de vie 10 minutes. J'ai vu les trucs passer, y a 10 minutes. J'ai fini mon cop en moins 10 minutes. J'ai cassé ma puce, tu tombes, tu puces. Mais t'as pas, on veut plus. Tu parles, on fume, yo. J'ai frisé au boubou, j'ai détourné ta belle. J'habite chacun un coup, j'ai postionné ma haine. Transforme dans tous les fous, amis dit sur le carnet. Tout le monde regarde à vous, tout le monde regarde à vous. J'ai postionné ma haine, tout le monde dit la pégo. J'fais partie de ces négros sans piercing, sans tatou. Négligez pas mon parcours, tu sais qu'on est partout. La hurle, c'est dur, donc ta vie passe plus en 10 minutes. J'étais des 5 cams, j'ai tout mis dans le sac en 10 minutes. Elle a vu mes liasses, ma sape, mon ventre, donc elle finit nu. Et si on passe à moi ton espérance depuis 10 minutes. J'ai mis la vie, c'est tout, c'est le vent. Et sur le rap, je suis parano. J'ai coupé le picard à la coco. Crois que j'ai acheté du Yamamoto. En bas du bendo, Yamamoto.